maternité. Police de la révolution. Massacre à la prix Nobel. Carmax, liberté. Et jouer au Boukoulé. Complexe et Boukoulé. Fini l'examen. Même c'est technique. Yo mon Ibe. On va les sous-sous. Le seul miracle dans la vie de l'homme, c'est le travail. Le compte est le fond, le combat en bas. Des lignes de protection, les données ont changé. Ça passe, ça casse. C'est ça la loi de la pesanteur. On voit qu'il est pas mal à du colo. Et qu'on croit qu'on va bien. Au commencement, il y avait des lignes. On suit pas l'étoile filante par une fusée. On monte en puissance.